Il pleure dans mon cœur. Par Paul Verlaine. Il pleut doucement sur la ville. Arthur Rimbaud. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine.